Dans la poussière, je marche seul. Read a real skill gravé comme une légende. Les échos résonnent dans le désert brûlant. Chaque pas est un tonnerre dans le silence. Sur la plage de Rust, sans rien qu'un souffle, j'ai forgé mon coup dans l'ombre, dans l'ombre rude et âpre. Les Wild Rings brillent au loin comme des mirages d'acier. J'entends les tourelles chanter et les balles siffler. Cavalier de fer sous les flammes du soir, près de ce qu'il revient, impossible à des bêtes, j'y traque mes proies, je frappe sans tempête. Dans les campements voisins, les feux s'éteignent. Un cow-boy venu du passé et le rêve s'en de l'huile noire aux plaines rouillées, je chevauche sans jamais reculer. Mes balles sont des éclairs, mes mots des couteaux. Dans Russe comme au Far West, je brise les rôles. Cavalier de fer sous les flammes du soir, près de ce qu'il revient, impossible à abattre. Entre le Far West et Rust, je trace ma gloire. Je brûle tes murs, ton pseudo s'efface. Ta gloire devient cendre, un éperon dans la boue, un cri dans la nuit. Et ma voix rauque s'élève comme un dernier mépris. Cavalier de fer, la poussière est mon trône. Raiders qu'il rugit, son nom résonne. Du Far West à Rust, l'histoire s'enchaîne. Un cowboy éternel. Yeah.